Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Fadjet la radio et on est ensemble pour une nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Aujourd'hui, on va parler du DLA, le dispositif local d'accompagnement en Meurthe-et-Moselle. J'ai le plaisir de recevoir Gilles Meyer, administrateur de l'association La Grande Épicerie Générale, qui a sollicité un DLA il y a quelques temps, et mon collègue en charge du DLA 54 chez France Active Lorraine, Damien Manneville. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Gilles, pouvez-vous nous parler de votre association La Grande Épicerie Générale ? Alors La Grande Épicerie Générale, c'est un supermarché coopératif. C'est le supermarché coopératif de Nancy. Vous allez me dire, c'est quoi un supermarché coopératif ? En fait, nous avons tous les coopérateurs, trois casquettes. Nous sommes à la fois propriétaires de ce supermarché, nous avons pris des parts. Nous sommes la force de travail de ce supermarché, puisque nous sommes tous bénévoles, nous donnons tous au moins 3 heures de notre temps, toutes les 4 semaines, tous les mois. Et nous sommes tous les clients de ce supermarché. Donc 3 casquettes, nous sommes les patrons, nous décidons de ce qui se passe là-dedans. Nous sommes la force de travail, nous sommes les bénévoles et nous sommes les clients. Voilà. C'est super, merci Gilles. Votre association a bénéficié d'un accompagnement DLA il y a quelques temps et on va en parler juste après. Mais d'abord Damien, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots c'est quoi le DLA ? Alors oui, en quelques mots, le DLA, c'est le premier dispositif d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire. Il accompagne gratuitement les structures d'utilité sociale dans le développement et la pérennisation de leurs emplois et leurs activités. D'accord. Ce dispositif, Gilles, vous l'avez sollicité il y a quelques temps. Pouvez-vous me dire pourquoi avoir fait appel au DLA ? Alors, on avait plein de motifs, en fait, de faire appel au DLA. On s'était posé la question de notre gouvernance. Voilà, comment est-ce qu'on prend les décisions ? Est-ce que le circuit de décision est bon ? Est-ce que nos modes de décision sont les bons ? On se posait la question aussi du modèle économique. Est-ce que le modèle économique de la Grande Épicerie Générale était viable ? On se posait aussi la question du plan stratégique. Est-ce que les axes stratégiques de développement sont cohérents ? Est-ce qu'on a un plan d'action qui le décline ? En fait, plein de motifs. Le fait est que le DLA nous a aidé à faire le tri. Déjà, et donc ça a permis de prioriser un peu les éléments. D'accord. Damien, est-ce que comme la Grande Épicerie Générale, beaucoup d'associations profitent de cet accompagnement DLA ? Et quelles sont les conditions pour pouvoir y prétendre ? Alors oui, il y a beaucoup de structures qui bénéficient de ce dispositif. Ce sont toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, donc tous les secteurs d'activité possibles. Ça peut être la culture, le sport, le domaine de l'insertion par l'activité économique. Bref, tous les profils d'associations sont possibles. À partir du moment où elles ont leur siège social dans le département 54 Meurthe-et-Moselle et qu'elles remplissent les conditions d'emploi, c'est-à-dire qu'elles sont employeuses, eh bien, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement DLA. Et par an, on accompagne à peu près 70 structures sur le département. D'accord. Donc, ce dispositif qui s'adresse aux structures de l'économie sociale et solidaire, quelle que soit leur activité, comment être sûr qu'en tant qu'association, le DLA va me servir, Damien ? Eh bien, tout simplement parce que le DLA, c'est un accompagnement sur mesure. C'est très flexible, on s'adapte à la situation et comme l'a dit Gilles, eh bien, on va décortiquer les problématiques de l'association, de la structure qui nous sollicite. Ça peut être utile, un accompagnement DLA, quelle que soit la situation de la structure. Une structure qui est en difficulté, bien sûr, va nous solliciter un peu en urgence. Et aussi, une structure qui est en bonne santé financière peut également nous solliciter de manière à faire un point, lever un peu la tête du guidon. Et c'est une prise de recul qui peut être nécessaire pour les structures accompagnées. Et vous, Gilles, parmi toutes ces thématiques, comment avez-vous fait votre choix et sur quel aspect avez-vous été accompagné ? C'est justement le diagnostic qui est une des premières étapes qui nous a aidé à faire le tri. Donc France Active Lorraine nous a accompagnés sur le diagnostic à établir et définir les priorités. C'est vrai que nous, dans un premier temps, on n'était pas forcément en difficulté, on était en questionnement sur comment avancer, comment développer, pérenniser notre projet. Et donc il y a eu une hiérarchisation. On a ciblé, nous, dans un tout premier temps, le schéma de gouvernance Donc voilà, comment on prend nos décisions, quels sont les circuits de décision, comment est-ce qu'on peut optimiser ces circuits de décision. Pour autant, les autres sujets qui sont arrivés dans la suite, à savoir avoir de bons outils de pilotage pour faire pour fiabiliser le modèle économique, le fait de refaire un vrai travail sur le plan stratégique, enfin les axes stratégiques et le plan d'action qui en découle, en fait, ça a déclenché ça aussi. C'était pas forcément l'objectif de l'accompagnement DLA, mais une fois qu'on avait tout posé sur la table, pour nous, ça a déclenché plein de choses. Et on s'est attelé finalement à différents chantiers en parallèle. D'accord. Damien, est-ce que tu peux me dire comment se déroule justement un accompagnement DLA ? L'accompagnement DLA, il se décline en 5 grandes étapes. Dans un premier temps, il y a la phase d'accueil où justement on vérifie l'éligibilité par rapport au fait que la structure soit bien employeuse et à son siège social dans le 54. Ensuite, donc, on essaye de définir ensemble le besoin parce qu'il y a des fois, la structure vient nous voir avec une problématique en tête et il s'avère qu'en creusant un petit peu, la problématique principale n'est peut-être pas celle qu'ils avaient envisagée au départ. Et donc, cette phase d'accueil, elle est importante, d'autant plus que nous, on présente la demande à nos partenaires au sein du comité d'appui qui se réunit tous les mois. Et c'est un peu l'instance qui rythme la vie de nos projets. Et on présente dès cette phase d'accueil la demande d'accompagnement de la structure que nos partenaires généralement connaissent déjà. Et ça permet de donner la bonne orientation en fait pour réaliser la deuxième phase, c'est-à-dire le diagnostic partagé. Et ça, c'est un travail avec la structure pour vraiment décortiquer tous les aspects de la structure qui nous sollicite. Et ça va constituer un document socle, le diagnostic partagé, où là, on va aboutir à la fin à un plan d'accompagnement. Donc ça, c'est la troisième phase, c'est de construire un plan d'accompagnement le plus complet possible qui permet d'orienter la structure en fonction de ces problématiques vers les dispositifs déjà existants sur le territoire proposés par nos partenaires, mais également d'identifier la thématique d'accompagnement prioritaire pour laquelle on va solliciter un consultant extérieur et mobiliser une enveloppe budgétaire. Et ça se passe dans 95% des cas. Et ensuite, la quatrième phase, c'est de poursuivre la coordination et la mise en œuvre de ce plan d'accompagnement, de vérifier que le consultant extérieur répond bien au cahier des charges qu'on a défini ensemble avec la structure. Et nous, une fois que cet accompagnement de 5 jours a été réalisé sur plusieurs mois généralement, on reprend contact avec la structure entre 6 mois et 1 an après pour faire un suivi post-accompagnement qui constitue la cinquième étape. Donc on note bien que cet accompagnement s'inscrit dans le temps. D'accord. Et Gilles, pouvez-vous nous dire, vous, comment ça s'est passé, votre accompagnement ? Ça vous a servi à quoi ? Et surtout, combien de temps ça a duré ? Alors, j'ai commencé par la fin. Ça a duré effectivement 5 jours et on se dit 5 jours, en fait, c'est super rapide. Mais non, on l'a effectivement fait durer sur presque 6 mois puisqu'on a démarré en novembre 2022 et il y a eu une restitution finale en mai, tout début mai 2023. À quoi ça nous a servi ? Ça nous a vraiment servi poser les choses, à se prendre du temps, ce qu'on ne fait jamais, parce que on est pris dans le tourbillon du quotidien, et surtout parce que cet engagement est un engagement qui vient en plus de nos activités personnelles, professionnelles, etc. Donc vraiment se prendre du temps, passer des demi-journées, des journées entières à réfléchir en intelligence collective avec l'ensemble des coopérateurs et accompagné par un consultant avec donc un apport de compétences et un regard extérieur, c'est absolument précieux. Ça nous a vraiment aidé à structurer notre réflexion, à se prendre du temps pour la réflexion, et l'aboutissement a vraiment été pour nous précieux. Super. Damien, est-ce que tous les accompagnements durent quelques mois, comme la grande épicerie générale ? Et aussi, c'est quoi le délai pour que le DLA intervienne si moi, demain, en tant qu'association, je souhaite faire appel à ce dispositif ? Alors, la durée d'accompagnement est variable parce qu'elle dépend aussi de la disponibilité des membres de la structure qui nous sollicite. Et en termes de délai d'intervention, en tout cas pour passer à la première phase d'accueil, c'est très simple. Il suffit juste de nous contacter au sein de France Active Lorraine. Et puis, il y aura forcément déjà un premier contact et un premier échange qui peut déjà être constructif avec l'association qui nous sollicite. D'accord. Damien, en plus des accompagnements individuels à la structure, est-ce qu'il y a la possibilité d'imaginer des accompagnements collectifs ? Mais bien sûr, c'est possible. Il y a différents cas possibles. En fait, ça peut être s'il y a une thématique en fait qui a bien été identifiée. Par exemple, on a fait un accompagnement collectif par rapport à la demande de rescrit fiscal ou l'accompagnement des structures primo-employeuses sur le 54. Mais ça peut être aussi par rapport à un besoin sur un territoire avec plusieurs associations de secteurs d'activités différents qui se regroupent mais qui ont une problématique identique sur un territoire bien identifié. Ou encore, ça peut être des problématiques de fusion, de mutualisation des moyens et donc plusieurs structures qui se réunissent pour bénéficier d'un accompagnement collectif. D'accord. Damien, toi et ton équipe, vous organisez aussi des événements, il me semble. De quoi s'agit-il et surtout, où trouver les informations lorsque ça arrive ? Alors oui, on essaye de couvrir un maximum le territoire meurthe-et-mosellan en participant aux animations, aux événements organisés par nos partenaires, qui font partie de notre comité d'appui très souvent. Et on essaye aussi de notre côté de proposer des ateliers, des animations au plus proche du territoire pour pouvoir aller à la rencontre des associations. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, mes collègues sont allés dans le pays haut du département pour proposer un atelier sur la gestion financière des associations avec un atelier ludique. Et sur cette fin d'année, on va proposer la mise en place de Café du DLA pour justement aller au plus proche des associations et faire la promotion de notre dispositif. Super Damien, donc vous mettez en place de nombreux outils pour accompagner les structures de l'ESS, mais est-ce que c'est payant tous ces accompagnements ? Alors non, effectivement, toute association qui nous sollicite, l'accompagnement est gratuit. Cependant, gratuit pour l'association qui nous sollicite, mais effectivement, tout ça a un coût. Le dispositif, on peut le proposer grâce au fonds de l'État, de la Banque des Territoires, et sur le département de la Meurthe-et-Moselle, on a la chance aussi d'avoir d'autres partenaires tels que la région Grand Est, le conseil départemental qui est un partenaire important pour nous. Et on a mobilisé en 2022 les fonds européens pour toujours accompagner plus de structures et également avoir des enveloppes budgétaires plus importantes pour aller mobiliser des consultants extérieurs dans le cadre de nos accompagnements. Okay. Gilles, pour toi, c'est quoi la réussite ou quelles sont les conditions en tout cas pour réussir un accompagnement ? Ah, c'est toujours multifactoriel. Là, en l'occurrence, le premier qui me vient, c'est l'implication. L'implication à la fois de nos partenaires, à savoir France Active Lorraine a été très impliquée. Il y a eu effectivement du sur-mesure, comme Damien l'évoquait tout à l'heure, et ça c'est un véritable privilège d'avoir un accompagnement adapté de cette façon-là. Nous avons eu la chance aussi d'avoir un consultant, une consultante en l'occurrence particulièrement impliquée sur le projet, et ça s'est vraiment ressenti dans la dynamique d'accompagnement, mais il y a évidemment aussi l'implication des bénévoles, des acteurs de l'association, et donc j'ai envie de corréler ça avec un deuxième facteur de réussite qui est la disponibilité. Donc il faut aussi qu'on se rende très disponible. à un moment donné, dans la mesure où nous, on a beaucoup de gens qui sont encore dans la vie active, il a fallu positionner les accompagnements le samedi, la journée du samedi. Donc ça veut dire qu'on a tous accepté, tous ceux qui ont participé, et nous avons été nombreux, accepté de consacrer un samedi, deux samedis, trois samedis, etc. Pour poser l'ensemble de ces éléments, mener cette réflexion, et puis produire avec l'accompagnement de notre consultante pour aboutir en fait aux préconisations, aux conclusions et aux changements qui étaient attendus. D'accord, donc si je comprends bien, il ne faut pas considérer le DLA comme un aboutissement non plus, mais plus comme un point de départ. Au bout de l'accompagnement de 5 jours en moyenne, il ne faut pas s'attendre à avoir toutes les solutions toutes faites. C'est plutôt repartir avec les clés pour un avenir meilleur. Damien, oui, mais c'est exactement ça, Morgane. C'est un accompagnement en collaboration avec la structure bénéficiaire qui s'inscrit dans le temps pour répondre à toutes les étapes. Et c'est un véritable accompagnement au changement, en tout cas, qu'on essaye d'initier dans le cadre du DLA. Damien, si je veux solliciter un accompagnement DLA, comment je fais ? Eh bien, vous pouvez contacter le standard France Active Lorraine. Vous pouvez aussi aller sur le site internet de France Active Lorraine et nous suivre sur les réseaux sociaux où on essaye de relayer un maximum d'informations. Et il y a aussi un site spécifique info-dla.fr où vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Merci Damien pour toutes ces informations. Donc si vous êtes une structure de l'ESS et que vous êtes intéressé par le dispositif, n'hésitez pas à contacter mon collègue. Merci également à notre invité Gilles Maillard d'être venu nous parler de la grande épicerie générale. D'ailleurs, je vous invite vraiment à découvrir ce concept de supermarché participatif. C'est une très belle initiative sur le territoire nancéen. Merci. Donc n'hésitez pas à vous rendre au 88 avenue du 20e Corps à Nancy, si je ne me trompe pas. Absolument, et vous serez les bienvenus. Ou sur grandeépiceriegénérale.fr. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau thème des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos actus sur nos réseaux sociaux. Si vous avez loupé une partie de l'émission ou vous souhaitez la réécouter en podcast, rendez-vous sur fadjet.net. Bonne semaine à tous.